Chapitre 35e. Les premières heures d'attente furent courtes pour Thérèse. Elle avait la lettre de son cousin, sa lettre, la lettre de son mari, qu'elle relisait et qui la transportait sur des sommets radieux où tout était lumière et joie, sans que les bruits et les fumées de la terre puissent s'élever jusqu'à elle. Son rêve s'était réalisé, l'impossible était atteint, le ciel s'ouvrait jusqu'en ses profondeurs bleues. Il allait arriver. Jusqu'au soir, elle attendit sans s'impatienter et sans s'inquiéter. Dans sa lettre, il se plaignait de la tristesse de la prison. Elle voulut qu'en arrivant, il ne vît que des choses gaies. Elle chargea donc Horace de faire apporter autant de fleurs qu'il en pourrait trouver. Il voulut les disposer elle-même, dans le cabinet de travail, dans la salle à manger, dans le salon. Dès le vestibule, il devait être saisi par le parfum des violettes. Cela ne lui rappellerait-il pas le temps où il l'avait vue, sur les bords de la Marne, au milieu des fleurs qu'elle venait de cueillir? Mais les heures s'écoulèrent sans qu'elle le vît paraître. Son père rentra. Aussitôt, elle courut à lui pour lui lire la lettre du colonel et pour lui raconter sa visite à l'hôtel de ville. Mais si Antoine fut heureux d'apprendre enfin que son cher Édouard était vivant et bien portant, il resta froid quand elle lui parla de l'engagement pris par Soriol. « Oh père, tu doutes de mon oncle ? » s'écria-t-elle. « Non, mon enfant, au moins je ne doute pas de ses intentions, et je suis pleinement convaincu qu'il veut ce qu'il t'a promis. Mais je doute de sa puissance. Il n'est pas le gouvernement, et bien qu'il fasse partie de ce gouvernement, son influence est nulle. Ton oncle n'est pas un homme d'action, il n'a pas d'ambition personnelle, il est satisfait quand on l'écoute, mais c'est tout. » Les craintes d'Antoine étaient fondées, car au moment où il achevait ces mots, Sorieux arriva seul. Le colonel n'était pas avec lui. « Non seulement on n'a pas voulu le mettre en liberté, s'écria Sorieux, mais je n'ai pas pu le voir. On m'a empêché de communiquer avec lui, moi, membre de la commune. Et savez-vous pourquoi ? Parce que le colonel Chamberlain est le prisonnier particulier du délégué à la Sûreté Générale. Ainsi, ce monsieur a des prisonniers qui sont à lui ou à ses amis et qu'on met au secret sans que personne puisse communiquer avec eux. » Jamais Sorieux n'avait été dans un pareil état d'exaspération. « Mais cela va changer, je vous le promets, ou je donne ma démission. Ma nièce, je te jure de te rendre ton cousin. » Et il partit comme il était arrivé. En le voyant s'éloigner, Thérèse ne put retenir ses larmes. Son père voulut la consoler. « Je vais unir mes efforts à ceux de Sorieux, dit-il, et je vais voir ceux qui ont été mes amis autrefois. Ils ne supporteront pas une pareille injustice. » Mais pour Thérèse, cette parole était un nouveau sujet d'inquiétude. Son cousin ne lui demandait pas qu'elle emmenât son père hors de Paris. Si elle lui obéissait, elle l'abandonnait, sans faire tout ce qui était humainement possible pour le sauver. Si au contraire, elle ne lui obéissait pas, elle compromettrait la liberté de son père en laissant celui-ci tenter des démarches qui pouvaient le faire arrêter à son tour. Comme elle hésitait, Michel, qui jusqu'alors n'avait rien dit, lui vint en aide. « Je ne crois pas, dit-il en s'adressant à Antoine, que votre intervention en faveur du colonel produise un bon effet. Bien au contraire, ce qu'on appelle votre défection a exaspéré contre vous ceux de vos amis qui se sont jetés dans la commune. Pour eux, la cause de cette défection est dans vos relations et votre intimité avec votre neveu. C'est donc lui qui en est responsable. Cette responsabilité deviendra, il me semble, bien plus lourde, si c'est vous précisément qui allez plaider pour lui. » De tous les arguments qu'on pouvait présenter à Antoine, alors qu'on ne lui disait pas toute la vérité, celui-là était précisément le plus efficace. On pouvait attendre quelques jours et pendant ces quelques jours, chercher. D'ailleurs, il était sage de voir ce que les promesses de Sorieul produiraient. Mieux que personne, Michel savait l'importance qu'il fallait ordinairement attacher aux paroles de Sorieul. Mais on n'était point en ce moment dans des conditions ordinaires. Sorieul aimait vraiment le colonel et il était certain qu'il ferait pour la libération de celui-ci tout ce qui serait humainement possible. Qu'il obtint cette libération, Michel en doutait. Mais d'un autre côté, il croyait qu'on obtiendrait sans doute la levée du secret. Or, c'était pour le moment tout ce qu'il fallait. Le secret levé, on pourrait communiquer avec le colonel. Celui-ci verrait son oncle, et alors on aviserait à trouver en commun une combinaison qui permit de faire sortir Antoine de Paris, sans lui révéler la vérité. En attendant ce résultat, qui ne pouvait pas beaucoup tarder, Michel fit écrire par Horace la lettre dont le colonel lui avait donné le modèle et il l'adressa le soir même à Mazas. Quand Horace lut le modèle de cette lettre, il se livra à une pantomime des plus drôles. Comment ? Son maître avait un enfant ? et il ne connaissait pas la mère de cet enfant. Mais bientôt, comprenant la vérité, il resta frappé d'admiration. « Est-ce bien trouvé ? » s'écria-t-il glorieusement. « N'est-ce pas qu'il n'y a que mon colonel pour avoir des idées pareilles ?» En même temps, Michel écrivit au ministre des États-Unis pour le prévenir de la situation dans laquelle se trouvait un de ses compatriotes. Michel avait eu raison de croire que Soriol n'épargnerait pas ses démarches pour obtenir la mise en liberté du colonel, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que les circonstances elles-mêmes leur seraient favorables. L'arrestation arbitraire et la mise au secret du colonel n'étaient pas des faits isolés et exceptionnels. Bien d'autres avaient été arrêtés sans raison. Bien d'autres avaient été maintenus au secret, sans même avoir été interrogés. Une opposition très vive, une réprobation énergique s'était formée contre ce système. Quand Soriol chercha des adhérents pour appuyer sa protestation, il en trouva plusieurs qui lui demandèrent eux-mêmes d'appuyer les leurs. Cette affaire des arrestations et de la mise au secret occupa plusieurs séances de la commune. Des membres demandèrent à entrer dans les prisons, même en forçant les portes. D'autres protestèrent contre le secret comme un reste de barbarie auquel il fallait mettre un terme. Et bien que ces attaques contre ce système eussent été combattues par cette raison, incroyable, quand on la lit aujourd'hui, qu'on pouvait se laisser attendrir par les paroles du détenu, par des questions de famille ou d'humanité, on décida que les membres de la commune aurait le droit de visiter tous les détenus. Ce vote amena des changements de personnes dans ce qu'on appelait alors la Sûreté Générale. Mais ces changements ne firent pas mettre en liberté le colonel Chamberlain. Les influences qui avaient décidé cet emprisonnement restant toutes puissantes sans que Soriol pût découvrir quelles elles étaient. D'ailleurs, par le seul fait de cet emprisonnement, le colonel était devenu un otage. Peut-être n'eût-on pas pensé à lui, mais on l'avait sous clé, on tenait à le garder. Et même ceux qui n'avaient aucune raison personnelle de lui en vouloir trouvaient qu'il était d'une bonne politique de ne pas relâcher un homme qui était une sorte de personnage. Comme otage, il avait assurément plus de valeur qu'un tas de pauvres diables, qu'on gardait par cela seul qu'on les avait. Tout ce que Soriol put obtenir, ce fut donc de voir le colonel dans sa prison, et ce fut aussi d'obtenir des laissez-passer pour qu'Antoine et Thérèse le vissent. Sans doute, c'était peu. Après ses superbes promesses, mais enfin, c'était quelque chose. Thérèse, qui était restée sous l'impression des promesses de son oncle, n'accepta pas cette déception sans laisser échapper quelques plaintes. « Veux-tu que je donne ma démission ?» s'écria Soriol. « Je t'ai promis de la donner si je ne te rendais pas la liberté de ton cousin. Je suis prêt à tenir mon serment. Seulement, je crois que je pourrais être plus utile à notre ami en ne la donnant pas. Au moins, je serai en position de le défendre avec autorité si quelque danger le menaçait. » Thérèse ne tenait pas du tout à ce que son oncle donnât sa démission. C'était bien son oncle qu'elle pensait. Elle voulut elle-même préparer un nécessaire de toilette et une valise de linge pour les porter à Mazas. Puis elle y joignit un petit bouquet de violettes qu'elle se hâta de cueillir dans le jardin pendant qu'on attelait les chevaux. Soriol avait une manière de se présenter qui lui était personnelle. En arrivant à Mazas, il revêtit ses insignes de membre de la commune et interpellant rudement le gardien qu'il trouva devant lui, « Vous me connaissez, n'est-ce pas ? » dit-il. « Non, citoyen. Je suis Soriol. Vous entendez bien ? Soriol. » Il détacha chacune des lettres de son nom. « Ouvrez-moi les portes ou bien je les force. » Puis se tournant vers Thérèse. « Tu vois, petite, que j'ai le droit de commander ici, » dit-il à mi-voix. « Et si je donnais ma démission, je n'aurais plus de prestige. » Il est de fait que, parlant avec des éclats de voix et la tête haute, en scandant chaque parole d'un geste énergique, il se faisait écouter. On ne savait pas que cet homme, à l'air redoutable, était un être parfaitement inoffensif, plus doux qu'un jeune enfant. Il exerçait le prestige de la terreur. Il n'était pas médiocrement fier de faire peur à quelqu'un une fois dans sa vie, et devant sa nièce encore, surtout devant Antoine. Mazas a eu deux directeurs pendant cette période, un doux et un féroce. C'était le doux qui était encore en fonction en ce moment. On était allé le prévenir de l'arrivée de Soriol, et il était accouru. Il voulut s'opposer au projet de Soriol de pénétrer dans la cellule même du colonel, accompagné d'Antoine et de Thérèse. Mais Soriol, sans rien vouloir entendre, le foudroya de son prestige. « Conduisez-nous » dit-il. Et ils se dirigèrent vers le numéro 40 de la 3e division, au rez-de-chaussée. Pour Soriol et pour Antoine, qui avaient plusieurs fois été emprisonnés, la prison ne produisait pas un effet de crainte et de froid. Mais Thérèse avait le cœur serré et respirait à peine. Et cependant, elle allait le voir. Ils s'arrêtèrent devant une porte percée d'un guichet, et cette porte ayant été ouverte par un gardien, ils aperçurent le colonel qui était occupé à lire, assis sur sa chaise, accoudé sur sa table. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, il avait relevé la tête. Ce fut Sauriol qui se présenta le premier à ses yeux, mais derrière il aperçut tout de suite Thérèse. D'un bond, il fut près d'elle, et sans prendre les mains que Sauriol lui tendait, il la saisit dans ses bras. « Chère Thérèse, » dit-il. Cela s'était si vite fait qu'Antoine et Sauriol n'avaient pas bien compris ce qui se passait sous leurs yeux. Pour Thérèse, elle avait penché sa tête sur le cœur de son cousin, et la restait là, le visage caché. Il se pencha vers elle, et d'une voix douce et tendre, si faible que Thérèse seule entendit nettement les mots qu'il prononça. « Ma femme, ma chère petite femme, » murmura-t-il. Puis alors il tendit la main à son oncle et à Sauriol, mais sans desserrer le bras qui étreignait Thérèse. « Mon ami, mon cher ami, » dit Sauriol avec émotion, « je suis heureux que mon influence vous donne cette joie. » Le colonel le regarde avec surprise. « Hélas, » dit Antoine, qui comprit son regard, « nous venons vous voir. Nous ne venons pas vous chercher. » « Ce sera pour dans quelques jours, » dit Sauriol. « Présentement, je n'ai pas pu obtenir votre liberté, mais je l'obtiendrai, soyez-en sûr. J'ai déjà, par mon influence, aboli le secret et forcé le délégué à la Sûreté Générale à donner sa démission. Comptez sur moi. » Et Sauriol se mit à raconter longuement, compendieusement, ce qu'il avait fait, aussi bien que ce qu'il n'avait pas pu faire. Pendant ce récit, le colonel avait fait asseoir Thérèse sur sa chaise et s'appuyant lui-même sur la table, il avait gardé les mains de sa petite cousine, de sa petite femme dans les siennes, ne la quittant pas des yeux. À la fin, Sauriol arriva au bout de son long récit et le colonel, après quelques mots de remerciement, put s'entretenir avec Thérèse et avec Antoine. Que de choses à se dire, que de questions de part et d'autre. Et puis Thérèse avait hâte de lui montrer les objets qu'elle avait apportés, et de lui offrir son bouquet de violettes, qu'elle allait mettre un peu d'air et de parfum dans cette cellule si froide où l'on étouffait. De son côté, le colonel avait hâte aussi d'aborder avec Antoine et Thérèse la question, capitale pour tous, de leur sortie de Paris. « Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti ?»« Parce que nous voulions vous voir avant, » répondit Thérèse. « Parce que je ne veux pas vous abandonner, » dit Antoine. « Et pourquoi voulez-vous qu'Antoine quitte Paris ?» demanda Sauriol. « N'est-il pas mon beau-frère? Croyez-vous que malgré nos dissentiments, on oserait toucher un homme qui est mon beau-frère ?» Le colonel n'avait pas prévu cette complication désastreuse. Il fit des signes désespérés à Sauriol, mais ce n'était pas par des signes qu'on arrêtait l'éloquence de Sauriol. Il fallut se résigner, et pour cette fois renoncer à presser ce départ. Le temps s'écoula, et le moment de la séparation arriva. Triste moment, qui pendant tout le temps de l'entrevue, avait pesé sur le cœur de Thérèse, car, sans pouvoir s'abandonner à la joie de l'heure présente, elle pensait au départ. « À demain !» dit Antoine. « À demain !» dit Thérèse, et la porte fut refermée. Mais au moment où il s'éloignait, le colonel s'approcha du guichet et appela Sauriol. Celui-ci revint. « Quand vous aurez quitté mon oncle et Thérèse, » dit le colonel, « revenez me voir, je vous prie, il s'agit de leur vie et de la mienne. » Sauriol parut épouvanté. « Revenez !» dit le colonel. Et il l'attendit. Une heure après environ, la porte de sa cellule s'ouvrit devant Sauriol. « Que m'avez-vous donc dit ? » s'écria-t-il. « Leur vie ? La vôtre ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Alors le colonel lui raconta ce qu'il avait écrit à Michel. Plusieurs fois, Sauriol voulut l'interrompre, mais il alla jusqu'au bout. Il n'accusa pas Anatole, il accusa formellement celui ou ceux entre les mains desquels Anatole était un jouet. « Mais c'est impossible !» s'écria Sauriol. « Comment voulez-vous que de pareils brigands aient une influence quelconque ? Ne nous jugez pas avec cette injustice, mon ami. Nous sommes des honnêtes gens. » « Je ne dis pas que ces brigands ont de l'influence, bien qu'il suffise d'anciennes relations avec quelques personnages ayant l'autorité en main pour la leur donner, cette influence. Je dis seulement qu'ils ont eu l'adresse de me faire arrêter, ce qui d'ailleurs n'était pas bien difficile, puisqu'aux yeux de votre gouvernement je suis coupable. » Une fois arrêté, une fois dans cette prison, d'où vous ne pouvez pas vous-même me tirer, je suis en plein au milieu du danger, et j'entraîne avec moi Thérèse et mon oncle. En ce moment, j'en conviens, ma vie n'est pas menacée. Je suis pour vous une sorte de bouclier. Vous nous tenez ajustés pour qu'on ne fusille pas ceux des vôtres qu'on fait prisonniers. Nous prenons nos sûretés, précisément. Mais il viendra un jour où les fusils que vous tenez en ce moment braqués sur nous partiront d'eux-mêmes, que vous le vouliez ou non. Vous serez débordés, entraînés, fusillés vous-même peut-être, et nous, nous serons massacrés dans cette prison. C'est là une loi fatale. Eh bien ce jour-là, Les brigands dont nous parlons ne m'oublieront pas. Je serai une des premières victimes, et leur besogne faite ici, ils iront l'achever là, où ils sauront trouver mon oncle et Thérèse. « Je vous dis que cela est impossible !» s'écria Auriol. « Et moi, je vous affirme que cela sera !» Mais quand ce danger, au lieu d'être certain, comme je le vois, ne serait que probable, pourquoi le faire courir à Antoine, à Thérèse et même à moi? De quelle utilité leur présence est-elle à Paris? Si je puis être mis en liberté, ce ne sera pas par eux, n'est-ce pas? Ce sera par vous, assurément. Eh bien, ne les laissez pas à Paris. Rien n'est plus facile pour vous. Au lieu de dire à Antoine qu'il n'a rien à craindre, dites-lui au contraire que vous le savez menacé. Mon beau-frère, puisque c'est pour le sauver, faites rendre, s'il le faut, un ordre d'arrestation. Mon oncle l'a tout aussi bien mérité que moi. Vous le déciderez alors à partir, et vous aurez beaucoup plus de facilité pour agir en ma faveur. Je crois que vous m'enverrez bientôt les rejoindre. Réfléchissez à cela. D'un autre côté, aucun avantage à retenir Antoine et Thérèse à Paris. Cela est certain. De l'autre, au contraire, notre salut à tous à les faire partir. Me donnez-vous jusqu'à demain? Oh, parfaitement. Je ne pense pas qu'à moins d'un désastre pour Beaufort, le danger soit immédiat. Ce désastre est-il probable en ce moment? C'est un homme au secret depuis longtemps qui vous pose cette question. C'est pour Versailles qu'il est certain. Eh bien, alors différez jusqu'à demain votre résolution.